L'Institut des fibres chimiques de l'Académie nationale des sciences a mis au point la peinture organique à long samnion, émetteur d'ions négatifs. Fabriquée par la transformation de pointe du minerai possédant l'électrode propre naturelle, la nouvelle peinture fonctionnelle a protégé l'environnement vert avec la capacité d'émission d'ions négatifs permanente et favorable à la santé de l'homme et à l'environnement. Dans les chambres et bureaux, cette peinture épure l'air avec l'ion négatif et soigne efficacement toutes sortes de maladies, notamment la circulation sanguine et le système respiratoire.